parfois pour les petits trajets, de répondre au volant, même si je dois dire que j'évite de boire une ou deux bières et d'avoir conduit juste après. Cela fait-il de moi un danger pour la société? Oui, aux yeux de la loi, je devrais être emprisonné. Je suis un criminel comme 50 millions de Français. Quand on sera tous tantôt, on risque d'être un peu serré. Qui font du tort au droit d'auteur, des musiques en pagaille et des films encore dans les salles. C'est sûr qu'à moi tout seul, j'ai dû ruiner Universal. Cela fait-il de moi un serial hacker numérique? Ça oui, je le confesse, je ne suis pas avare de mes clics. Je mérite qu'on m'enferme avec le dernier des malfrats. J'y retrouverai mon fils qui seront sûrement dans le même cas. La justice est aveugle, elle n'y voit pas. J'ai en ma possession quelques foutues contrefaçons. En cherchant bien, messieurs, on pourrait sans doute trouver plus d'un crime impuni que la